La cérémonie de clôture du 16e festival architectural 21 mai a eu lieu le 23 courant au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Y ont pris part les officiels des domaines intéressés et de la construction, les architectes, les techniciens, les enseignants et chercheurs des établissements des sciences et de l'enseignement. Après la publication du résultat du jury, les meilleures unités et participants ont reçu les coupes et certificats de prix, les diplômes et brevets.